Un des économistes les mieux renseignés de ce pays, M. le professeur Richard Ely, a écrit cette histoire avec beaucoup de conscience et d'impartialité. Quoiqu'il se soit placé à un simple point de vue d'analyste, la suite des faits qu'il expose montre aussitôt cette alternance de l'un et de l'autre courant, du courant américain et du courant étranger, dans cette vaste coulée de l'inondation ouvrière. Ainsi, au confluent de certains fleuves, les deux nuances des eaux persistent longtemps, sans se mélanger. Voulez-vous la voir à l'œuvre, toute seule d'abord, cette âme américaine? Regardez-la travailler dans les premiers essais d'organisation communiste qu'elle a tenté et qui, par les folies de leurs principes, dépassent encore les pires utopies du collectivisme le plus extravagant. Vous la trouverez pareille à elle-même, toute volonté et par suite préoccupée d'abord des problèmes de responsabilité. Toute action est par suite profondément, intimement réaliste dans le détail de son entreprise, même quand le but final est une chimère. Voici par exemple la communauté des perfectionnistes d'Oneida, œuvre insensée, s'il en fut dans sa première conception. Un ancien étudiant de Yale, assisté d'autres étudiants de la même université, l'avait fondée. Ces jeunes gens étaient si enivrés de leur absurde logique qu'ils s'inscrivirent dans leur programme le free love, l'amour libre, sous le prétexte que l'exclusivisme est aussi coupable à l'occasion des personnes qu'à l'occasion des propriétés. Vous étudiez les règles pratiques d'une société établie au rebours de l'instinct le plus profond de la nature humaine, celui de la famille, et vous demeurez frappé de voir que ces utopistes de doctrine sont dans l'application des hommes d'une psychologie très sagace et très sûre. Vous les voyez, pour ne citer qu'un détail, organisés dans cette étrange communauté, le mutual criticism, le droit de critique publique et réciproque, afin, disent-ils, d'utiliser cette force perdue d'observation qui, dans le monde, est dépensée en bavardage et en inutile médisance. Vous considérez le résultat financier de leurs tentatives et vous constatez leur habileté d'administrateur par le bilan de leur liquidation. Ayant, en 1881, renoncé à leur programme de réforme pour se réduire à une simple société coopérative, l'actif se trouva être de 600 000 dollars pour 200 personnes, soit 15 000 francs par tête. Or, ils avaient commencé avec d'infimes ressources. Examinez de même une autre communauté, non moins exceptionnelle dans ses principes, celle des Shakers de Mount Lebanon. Par-dessous le mysticisme religieux, ce qui domine chez eux, c'est la connaissance pratique et sage des conditions vraies de la vie humaine. Daniel Fraser, un des plus âgés d'entre les frères, allait répéter sans cesse « Les deux bases de la moralité sont le travail de la terre et l'hygiène. » Des habitudes régulières, une nourriture scientifiquement choisie, des maisons bien drainées, des chambres bien ventilées et d'une température constamment surveillée, telles sont les minuties auxquelles descend leur éthique, et à de plus humbles encore. À Mount Lebanon, raconte le professeur Ely, j'appris à fermer une porte sans que personne pût entendre le moindre bruit. C'est une leçon en chakérisme, me dit Daniel Fraser. C'est le chakérisme réduit à une pointe d'épingle. Vous reconnaissez là, sous une forme ingénue et qui fait sourire, le sentiment du scrupule et la surveillance de soi. Ce n'est qu'un cas particulier du sentiment aigu de la responsabilité. Vous y retrouvez aussi ce réalisme innocent de la vie conventuelle, qui assure si vite la richesse avec de très faibles ressources. Tout se tient dans une pareille communauté, et un pareil degré de discipline ne saurait aller sans des vertus supérieures d'ordre et d'économie. Sommes-nous assez loin de l'atmosphère où se déchaînent les révolutionnaires modernes? Mais les perfectionnistes, mais les Shakers, ont essayé des tentatives d'un ordre social très isolé et très arbitraire. Les caractéristiques de l'âme populaire aux États-Unis se marquent avec une netteté plus perceptible encore, dans le développement des simples associations ouvrières. Car ces associations ont été vraiment l'œuvre des travailleurs, une sorte d'outillage civique fabriqué par eux, pour leur usage, et d'après leurs besoins profonds. Ici, les deux courants sont d'autant plus visibles que le second n'est apparu qu'après le premier, et très tard. Jusqu'au lendemain de la guerre de Sécession, les sociétés formées par les ouvriers manifestaient, presque sans exception, les traits distinctifs de la race anglo-saxonne, dans sa variété américaine. Ce furent d'abord les traits d'union, toutes professionnelles, et toutes locales comme celles d'Angleterre. Ainsi, l'association des typographes de New York et celle des House Carpenters de Boston, fondée en 1812. Le programme de cette dernière société se rattache bien à la lignée de ses esprits, dont Robinson demeure le type idéal, parfaitement indifférents aux vastes théories générales, mais positifs et moraux, avec une force d'initiative très personnelle, au service de leurs intérêts, et d'ardentes convictions chrétiennes. La charte des charpentiers porte qu'ils se liguent dans le but de gouverner par eux-mêmes leurs propres affaires, d'administrer leurs propres fonds, d'étudier les inventions particulières à leur art, d'assister les ouvriers sans emploi par des prêts de monnaie, de secourir les malades et leurs familles. Si on eût parlé à ces braves gens d'une réforme universelle, si on leur eût prêché une refonte violente des rapports entre l'employeur et l'employé, une croisade du travail contre le capital, ils n'auraient certes rien compris à ces dangereuses paroles. Ils voulaient amender leurs conditions de travailleurs, en tant que travailleurs, parce qu'en effet cela seul est pratique et moral, à la fois conforme au précepte de rendre à César ce qui est à César, et vraiment utile, d'une utilité certaine, immédiate. N'est-ce pas d'ailleurs la formule entière du problème social ? Améliorer le riche en tant que riche, le noble en tant que noble, le bourgeois en tant que bourgeois, et l'ouvrier en tant qu'ouvrier. Ce même esprit de réalisme chrétien et de patient progrès continue d'animer des unions plus larges qui, à partir de 1825, relient entre elles, de ville en ville, les ouvriers de même métier, ou qui syndiquent les ouvriers de métiers différents dans la même ville. En 1833, Elie Moore, le président des General Mills Union, de la cité de New York, dans une adresse célèbre qui fut le premier manifeste du socialisme américain, parle uniquement d'élever la condition intellectuelle et morale des travailleurs, de réduire la ligne de démarcation entre l'ouvrier et le patron, de mieux administrer les intérêts pécuniaires du pauvre. Et cette société des General Trades Union prévoyait déjà le danger des moyens violents, car un des articles du règlement défendait qu'aucun corps de métier se mit en grève pour obtenir des gages plus élevés sans que le motif de cette grève eût été examiné par le Conseil central. Tel était d'ailleurs le nationalisme des ouvriers américains à cette période, qu'un de leurs chefs, Stephen Simpson, de Philadelphie, dénonçait dans un manuel devenu aussitôt très populaire, et avec une indignation toute puritaine, les mœurs, les idées et la littérature de l'Europe comme la source de tous les abus aux États-Unis. Un autre grand conducteur d'ouvriers proclamait la nécessité d'arrêter l'empiétement étranger et d'interrompre sa pernicieuse influence sur la santé morale et politique du pays. De fait, les associations qui vont se multipliant jusqu'en 1860 sont presque toutes profondément, jalousement patriotiques. Elles le demeurent non seulement dans leur titre, mais dans leurs revendications, qui ne supposent jamais aucun bouleversement. Une limitation plus humaine des heures de travail, une distribution plus généreuse des secours, des facilités plus grandes d'éducation, une échelle plus équitable des salaires, ces idées très raisonnables et très modérées passent et repassent sans cesse dans les programmes. Pour les réaliser, les ouvriers s'attachent toujours à l'emploi des moyens les plus pratiques, les plus conformes aussi au vieux génie anglo-saxon d'initiative et de liberté. Ils provoquent des souscriptions personnelles, ils préconisent d'habiles manœuvres électorales, ils lancent des journaux, ils étudient des problèmes techniques. Ainsi, l'Association des Chapeliers d'Amérique, fondée en 1854, s'occupe d'abord de la question des apprentis. Elle prétend limiter leur nombre, pour limiter du même coup le nombre des ouvriers entre qui se répartira le travail. À suivre ces ligues diverses dans leurs efforts et dans leur propagande, on se sent pris d'un profond respect pour une si consciencieuse recherche du mieux, pour une si virile acceptation du sort, pour une énergie si continue et si lucide. On comprend ce que valait, ce que vaut encore, le Yankee de bonne souche, celui dans lequel s'est imprimée la forte tradition des premiers colons de la Nouvelle-Angleterre, et l'on se rend un compte bien exact de l'étonnante déviation soudain introduite dans ce mouvement, par le second courant, celui qui a rendu possible des discours tels que ceux de M. Debs à Chicago, dénonçant une des grandes compagnies du pays comme un chef de barbare dénonçait une ville arruinée. « We will sidetrack Pullman and his cars together. Nous mettons hors des rails Pullman et ses cars tout ensemble. » Et accusant le gouvernement de despotisme militaire pour le plus légitime emploi de police. C'est au lendemain de la guerre de sécession que l'influence étrangère commença de se rendre perceptible, en même temps que l'immigration allait augmentant d'année en année. Pendant la guerre même, tous les Américains de naissance ou de cœur étaient à l'armée, et la main-d'œuvre étrangère remplaçait la main-d'œuvre nationale. Ce remplacement continua pendant la période qui suivit et qui fut marquée par une énorme poussée d'industrie. En 1860, les États-Unis possédaient 50 000 km de voies ferrées. Ils en possèdent 281 000. Pour de semblables travaux, et poussés avec cette furie, il fallut des bras et des bras. Et comme d'autre part les moyens de transport devenaient de plus en plus faciles, les immigrants affluèrent. L'Atlantique s'ouvrit comme grand exutoire par où s'écoula tout ce que la vieille Europe, et en particulier l'Allemagne, contenait de mécontents. Cette dernière contrée, la vraie patrie du socialisme révolutionnaire, avait, après 1848, envoyé en Amérique les premiers agitateurs, qui avaient semé sur ce sol de volonté réaliste des paroles d'absurde bouleversement et de sanglante utopie. Elle n'y devait germer que 20 ans plus tard. Un tailleur de Magdebourg, William Whitling, emprisonné dans son propre pays, puis proscrit pour délit de propagande, avait débarqué à New York. Tout de suite, aidé par Henry Koch, un Allemand encore, il avait fondé une société révolutionnaire allemande, le Arbeiterbund. Un troisième Allemand, ami de Karl Marx, Weidemeyer, ne tarda pas à se joindre à eux. Ces trois hommes peuvent être considérés comme des échantillons très remarquables d'un type devenu aujourd'hui commun aux États-Unis, celui de l'agitateur cosmopolite, qui importe dans un pays dont il ne sait rien cette théorie de révolution construite d'après les abus d'un autre. Ils avaient tous les trois, à leur débarquement, toutes leurs convictions faites et tout leur caractère. Whitling était âgé de 40 ans, Henry Koch de 32. Weidemeyer avait passé sa jeunesse à conspirer dans sa terre d'origine. Aucune de leurs idées n'était américaine, et aucune des manifestations qu'ils provoquèrent, sans résultat immédiat d'ailleurs, ne fut américaine. C'est ainsi qu'un club de communistes s'étant fondé à New York, sous leur direction en 1857, ils s'avisèrent de célébrer l'année suivante, quel anniversaire ! Celui de l'insurrection de juin à Paris. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes y prirent part, qui appartenaient à tous les pays, excepté à l'Amérique. Cette société, cette fête et ce club étaient le prologue du grand drame d'internationalisme qui se joue aujourd'hui de Boston à San Francisco. Ce mot même d'international n'était guère prononcé alors. Maintenant, et surtout depuis qu'en 1872, le Grand Conseil de l'Association internationale des travailleurs s'est transporté à New York, il se retrouve dans des centaines de programmes et dans des milliers d'articles, publiés par des journaux qui s'impriment en plusieurs langues. Même lorsque le mot n'y est pas, cet esprit international se reconnaît à l'altération essentielle des principes sur lesquels reposaient les sociétés vraiment américaines. Plus de déclarations religieuses d'abord. Que les ligues aient nom, le Socialistic Labour Party ou l'International Workmen Association, qu'elles s'appellent l'International Working People Association ou le Central Labour Union, les SLP comme les IWA, comme les IWPA, comme les CLU, se rencontrent dans une même absence d'idées chrétiennes. L'arrogance du matérialisme a remplacé chez leurs leaders la solennité à demi mystique des ouvriers, encore un but de l'esprit des Pilgrim Fathers, the Church, disent-ils brutalement. Finally seeks to make complete idiots out of the mass, and do them make forgo the paradise on earth by promoting a fictitious heaven. Avec le christianisme, l'humilité du cœur s'en est allée, et cette noble soumission aux lois fondamentales de la vie humaine, formulée une fois pour toutes dans le décalogue, sans doute certains orateurs répudient encore la violence dans les moyens, tout en se proposant la révolution comme but. Il suffit de regarder à la pratique pour reconnaître que le fond de leur pensée à tous est conforme à la terrible phrase de la déclaration de Pittsburgh. Destruction of the existing class rule by all means, i.e. by energy, relentless, revolutionary and international action. Partant, plus de solutions lentes et sages, plus de ce positivisme intelligent et volontaire qui est l'essence même de l'âme américaine. Plus de traditions non plus, c'en est fini de ces rappels de la grande guerre d'indépendance qui rapprochait les pauvres et les riches, dans un commun orgueil d'appartenir au plus libre des peuples. Les enfants terribles du parti exprimaient le sentiment que les autres dissimulent à peine. Lorsque déployant le drapeau noir à Chicago en 1884, il s'écriait « C'est la première fois que cet emblème de la faim et du désespoir apparaît sur le sol américain. Il atteste que ce peuple est arrivé aux mêmes conditions que les autres peuples. Ce que ces internationalistes pensent de l'Amérique, un de leurs organes, Die Freiheit, le disait brutalement « Le juge Lynch est encore le meilleur tribunal et le moins coûteux de ce pays-ci. » Vous reconnaissez dans toutes ces tendances l'obscur et violent socialisme germanique, dont sont issus le nihilisme russe et l'anarchisme français. C'est lui que des millions d'Allemands ont apporté avec eux depuis ses 30 ans, lui qui bouillonne à travers des grèves monstrueuses, comme celle de Chicago. C'est lui qui a coulé son métal destructeur dans les cadres des associations formées si solidement et si pratiquement par les premiers trades unionistes. Grâce à lui, ces associations se sont enflées et déformées. De véritables armées, dont les soldats ne se connaissent pas, se sont organisées sous le prétexte de fédérations ouvrières. Des généraux les manœuvrent, qui sont ou des étrangers ou des fils d'étrangers, parfaitement indifférents à l'heureux avenir du pays où ils ont reçu l'hospitalité, comme à son histoire passée. Même les sociétés qui gardaient, comme les chevaliers du travail, la tradition du grand idéalisme chrétien et qui voulaient permettre à l'ouvrier de cultiver sa nature divine, sont poussées par des chefs nouveaux, dans le sens de la révolution internationale. Et M. Debs a pu s'écrier l'autre mois avec un orgueil qui, lui du moins, était encore américain par la conception du RICORD. Nous allons inaugurer la plus grande grève de chemin de fer que le monde ait jamais vue. Ce sinistre déclamateur avait 120 000 hommes derrière lui, 120 000 malheureux, qui n'étaient que des mécontents, et dont il a fait des affamés. Il se rencontre parfois qu'un illustrateur de journal enferme dans le hasard heureux d'une caricature le résumé de toute une situation politique ou sociale. C'est ainsi qu'un dessin du Fun, vers la fin de la grève de Chicago, a ramassé en une légende et trois figures toute la portée de cette grève, et tout son enseignement. Le traditionnel Jonathan est debout auprès d'un rocking chair, les mains dans ses poches. Du coin de sa bouche rasée, il fume un cigare qu'il laisse éteindre. Il oublie même d'achever son verre de whisky, un soda, posé sur la table du bar. Son maigre et mélancolique visage, aux pommettes saillantes, encore allongé par le bouc légendaire, exprime une méditation profonde. Il porte sur son gilet les 13 étoiles qui représentent les 13 états primitifs et qui se retrouvent sur ses monnaies. En face de lui, un policier colossal a saisi par le collet un personnage qui pourrait être aussi bien un paysan russe qu'un ouvrier bavarois, avec une chemise de flanelle, des pantalons rentrés dans de hautes bottes et un chapeau de feutre mou. « J'ai dû vous arrêter, Debs, ce n'était pas une grève, c'était une révolution. » Telle est la phrase que Jonathan prononce avec le flegme sérieux de quelqu'un qui a compris et qui veut. Qu'a-t-il compris? C'est que les nouveaux venus sont en train d'accomplir chez lui un travail irréparablement hostile à toutes ses idées, à toute sa conscience, à tout son passé. Ce qu'il veut, c'est empêcher à tout prix d'utile mourir à la tâche cette désintégration de sa patrie. Ce formidable mouvement de Chicago aura eu cela de bon. Le problème a été posé avec une si tragique netteté qu'il a bien fallu prendre parti. Ce sera l'honneur de M. Cleveland d'avoir agi avec cette rébellion de l'Ouest, toute proportion gardée, comme Lincoln jadis avec le Sud. Mais ce premier épisode n'est vraisemblablement qu'un prologue encore. Regardant la carte des États-Unis et pensant qu'à partir de Chicago jusqu'au Pacifique, toutes les villes de cet immense pays sont peuplées de ces nouveaux venus, on entrevoit la possibilité menaçante d'une scission entre ces deux morceaux du vaste continent, qui n'ont plus rien en commun, ni les souvenirs, ni les idées, ni les aspirations, ni même la langue. De nouveau, l'image de Lincoln vous apparaît, avec son masque tout pareil à celui du Jonathan de la caricature, et vous concevez que s'il revenait dans son Chicago, qui s'est germanisé si terriblement depuis sa mort, il dirait aussi le mot de combat, « Boone to stop you ». Il faut que je vous arrête. De même que la question de l'esclavage n'a été qu'un champ de bataille où se sont heurtés deux types de civilisations contradictoires, celle du Sud et celle du Nord. Il semble par instant qu'à l'heure présente, l'Est et l'Ouest aillent cherchant eux aussi un terrain sur lequel se mesurer, ou plutôt l'Amérique des Américains avec l'Amérique des étrangers. Le Silver Bill fut un de ces terrains. La grève de Chicago en fut un autre. La question sociale en est un, mais permanent, et sur lequel se livrera peut-être cette bataille décisive. Les grandes fortunes de réforme générale n'ont ni plus de sens, ni plus d'adhésion sincère aux États-Unis qu'elles n'en ont en France. L'infinie complexité d'une civilisation ne se modifie pas au gré de nos révoltes, même les plus justifiées, ni de nos théories, même les plus intelligentes, sauf un petit nombre d'insensés. Tout le monde admet, dans le fort intérieur, cette trop évidente vérité, quoique presque tout le monde dise le contraire. Il n'existe pas vraiment de question sociale, puisqu'aucune intelligence n'est capable de se représenter les données complètes de la société, et par conséquent de mesurer exactement l'effet d'une réforme un peu profonde. Mais par-dessous ces problèmes que chacun sait insolubles, d'autres forces palpitent, réelles et irréductibles. L'instinct de la race en est une, et c'est aux États-Unis que l'on peut le mieux le constater. Du jour où l'excès de l'immigration aura vraiment créé deux Amériques en Amérique, le conflit entre ces deux mondes sera aussi inévitable que celui de l'Angleterre et de l'Irlande, de l'Allemagne et de la France, de la Chine et du Japon. Ce n'est pas contre son patron que l'ouvrier américain de New York, de Philadelphie et de Baltimore sera conduit à faire la guerre. C'est contre l'ouvrier étranger que son patron et lui finiront par s'entendre. En résumé, il s'est élaboré dans cette vaste démocratie une forme de civilisation très particulière, anglo-saxonne dans son origine. Une autre est en train de s'élaborer à travers les associations cosmopolites, et qui n'a rien de commun avec la première. Si cette seconde force aboutit, par des grèves trop générales et par des illégalités trop violentes, à une maladie de toute la vie nationale, la guerre civile éclatera. Les pessimistes prétendent que cette guerre est très proche. Les optimistes font observer que l'immigration, d'une part, semble diminuer, d'autre part, que l'assimilation, pour être devenue plus lente et plus difficile, s'accomplit cependant d'une façon irrésistible, et que ces étrangers s'américanisent un peu davantage chaque année, presque chaque jour. Il démontre que le christianisme continue de disputer au matérialisme les masses révolutionnaires, et que les pasteurs protestants rivalisent de zèle avec nos évêques catholiques, quand il s'agit du peuple. N'est-ce pas un ministre réformé qui a jeté ce beau cri que l'on croirait échapper au cœur généreux de Mgr Haryland ? Le problème, disent les théologiens, est d'introduire les masses dans l'Église. J'affirme, moi, que le problème est d'introduire l'Église dans les masses. L'Église, c'est le levain. Les masses sont la pâte qu'elle seule soulèvera. Les optimistes ajoutent qu'en Amérique, les capitalistes sont des hommes encore pénétrés de l'énergie primitive, et qu'ils sauront au besoin défendre leurs intérêts, avec une vigueur personnelle bien différente de la spirituelle faiblesse des nobles de 89, ou de l'intelligente lâcheté des petits rentiers européens de 1894. Dès aujourd'hui, n'oppose-t-il pas aux ligues ouvrières des ligues aussi intransigeantes que les titres divers d'association, de combination, de pulse, de trust et de consolidation? Pour le psychologue qui aperçoit dans cette société américaine une expérience sans analogue, les années qui vont venir seront plus intéressantes ici que partout ailleurs. Car après avoir constaté toutes les nouveautés de ce nouveau monde, on demeure étonné de reconnaître que ce continent traverse au fond, sous des formes particulières, les mêmes crises que l'ancien. Si le problème social n'est aux États-Unis qu'un problème de nationalité, le problème politique de l'Europe, armé jusqu'à en mourir, est-il autre chose? Tant il est vrai que les idées et les constitutions, les doctrines et les systèmes ne sont que des apparences, sous lesquelles travaille un petit nombre de faits. Toujours les mêmes depuis que le monde est monde, toujours irréductibles et réels, comme la durée et comme l'étendue, conditions premières et dernières de tout notre être, de toute notre activité, de nos triomphes et de nos désastres. Et parmi ces faits, le plus irréductible, le plus réel, le plus essentiel, le seul essentiel peut-être, demeure la race.